balai des Cayennes, concentré d'arrogance et de vulgarité, vient cracher à la face des blancheurs haussmanniennes. C'est fumée dégueulasse en toute impunité, dans ces boîtes branchées où la peau le tricard, copie sur le trottoir par souci d'équité, où l'on joue aux faciès et à la Mastercard, aux montres et pattes blanches et gages de qualité. Paris est magique, Paris est magique, dans ces métros bondés des hordes de gamins, plonge les mains dans les sacs pour offrir l'opulence à une poignée d'ordures violents et misogynes qui construisent un empire en baffrant l'innocence. Dans ces quartiers poisseux, on se prend l'eau latrine, on vide des seringues dans des bras décharnés, en rêvant de nuit, de soirées libertines, avec des ambitieuses aux narines poudrées. Au bord de son périph', des campements de fortune, vitrine un peu trashy, des inégalités. Poésie des contrastes dans cette ville où la tienne n'a posé ses jalons au moindre mètre carré. Paris est magique, Paris. Je n'ai pas aimé celle que tu es devenue, mais j'ai ce sentiment comme une vieille amitié qui incite mes pas à parcourir tes rues. Paris est tragique.